Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Demain, mardi 17 avril, marquera le 10e anniversaire de la mort à Fort-de-France de l'écrivain et homme politique Aimé Césaire. Franck Ferrand nous raconte sa jeunesse cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Les années de formation de Césaire permettent, je crois, de mieux saisir l'engagement de celui qui, avec Léopold Sédar Senghor, a forgé, vous savez, la notion de négritude. Et nous irons à la Martinique tout à l'heure en compagnie de Lorena Martin, puis vous reviendrez à la fin de l'émission aux origines de l'expression trier sur le volet. Oui, ce sont nos invités qui sont aujourd'hui triés sur le volet. Au téléphone, Fabrice Dalméda, qui nous parlera de la soirée que prépare France O pour mercredi. Et dans ce studio se trouve à nos côtés le réalisateur Luc Laventure, président du groupe Média Outre-mer 360. La Martinique nous attend, alors nous partons tout de suite, ne perdons pas de temps. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Franck Ferrand. Voici un extrait du poème Afrique où transpire l'attachement d'Aimé Césaire à ce continent dont il s'est fait le chantre au sein du mouvement de la négritude. Afrique, les jours oubliés qui cheminent toujours aux coquilles recourbées dans les doutes du regard, jailliront à la face publique parmi d'heureuses ruines, dans la plaine, l'arbre blanc aux secourables mains, ce sera chaque arbre une tempête d'arbres parmi l'écume non pareille et les sables, les choses cachées remonteront la pente des musiques endormies. Une plaie d'aujourd'hui est caverne d'Orient. Un frissonnement qui sort des noirs feux oubliés, c'est des flétrissures jaillies de la cendre des paroles amères de cicatrices. Tout lisse et nouveau, un visage de jadis, caché, oiseau craché, oiseau frère du soleil. Avec Léopold Sédar Senghor, Césaire est l'un des fondateurs donc de ce courant, ce courant littéraire de la négritude, courant politique aussi né dans l'entre-deux-guerres et dont l'objectif est de promouvoir la culture de l'Afrique des Antilles, une culture qui avait été si longtemps dévalorisée par le système colonial. Selon Senghor, Césaire aurait même inventé le mot, le concept de négritude dont l'origine remonte à son enfance, à la Martinique. C'est en 1913, le 26 juin 1913, que naît Aimé Fernand David Césaire dans le nord de la Martinique, à Basse-Pointe, un village adossé à la montagne Pelée. Vous savez, cette montagne Pelée qui avait fait cette éruption terrible au tout début du XXe siècle. Le village est tout près de l'océan Atlantique. Il dira, Césaire, en 2005, « Basse-Pointe a structuré mon cœur, a architecturé ma poésie ». Il est le deuxième d'une fratrie de sept, il vit une enfance modeste, son père est contrôleur des contributions au bureau des impôts de Basse-Pointe. Quant à sa mère, on peut dire que pour fournir un revenu d'appoint, elle s'est fait couturière. Il écrit dans « Cahier d'un retour au pays natal », je le cite, « Au bout du petit matin, une autre petite maison qui sent très mauvais dans une rue très étroite. Une maison minuscule qui abrite en ses entrailles de bois pourris des dizaines de rats et la turbulence de mes six frères et sœurs. » Une petite maison cruelle dont l'intransigeance affole nos fins de mois et mon père fantasque grignoter d'une seule misère. Je n'ai jamais su laquelle, qu'une imprévisible sorcellerie assoupit en mélancolique tendresse ou exalte en haute flamme de colère. Et ma mère, dont les jambes pour notre faim inlassable pédalent de jour, de nuit, je suis même réveillé la nuit par ces jambes inlassables qui pédalent la nuit et la morsure âpre dans la chair molle de la nuit d'une singère que ma mère pédale pour notre faim de jour et de nuit. » Vous voyez, une prose qui a déjà des accents très poétiques. Le grand-père paternel d'Aimé a été le premier Martiniquais à étudier à l'école normale à Saint-Cloud. Il a été le premier instituteur noir en Martinique, ce qui explique que sa grand-mère, contrairement à beaucoup de femmes de sa génération, ait su lire et écrire. David Alliot, l'un des biographes d'Aimé Césaire, écrit « Pour les Césaires, comme pour le reste de la petite bourgeoisie noire de l'île, l'instruction et la maîtrise de la langue française sont primordiales et synonymes d'élévation sociale. En père soucieux de l'avenir de ses enfants, Fernand Césaire leur inculque le goût du travail bien fait et celui de la lecture des grands auteurs français. » Alors, il va faire ses études primaires et grâce à une bourse, Aimé va poursuivre ses études au lycée Victor Schœlcher de Fort-de-France, cette capitale de l'île où toute la famille vient d'emménager. Il étudie aux côtés des enfants blancs, là-bas, bien sûr. Ses résultats sont excellents. Il lit énormément. Il lit Victor Hugo, Voltaire. Il se passionne pour l'histoire de France. C'est un garçon solitaire qui n'a pas beaucoup d'amis. Le plus proche de ses camarades est un Guyanais, Léon Gontran Damas, futur cofondateur du mouvement de la négritude. À 18 ans, son baccalauréat lettres en poche, Césaire obtient une bourse du gouvernement français pour aller suivre des études secondaires à Paris. Paris, un nom qui depuis toujours le fait rêver et dont il va découvrir la réalité. On est début septembre 1931 quand il part de Fort-de-France à bord d'un navire qui s'appelle le Pérou. Alors, quitter la Martinique pour lui à l'époque est un soulagement. Il écrira dans le cahier d'un retour au pays natal justement « Partir. Mon cœur bruissait de générosités emphatiques. » Dans l'un des entretiens qu'il accordera à Françoise Vergès et qui sont publiés en 2005 dans l'ouvrage « Nègre je suis, nègre je resterai », Aimé Césaire déclare « Me rendre en France était pour moi la promesse d'une libération, une possibilité, un espoir d'épanouissement. Autrement dit, contrairement à beaucoup de camarades de ma génération, j'avais constamment le sentiment que je vivais dans un monde ferme, étroit, un monde colonial. Je n'aimais pas cette Martinique. » 3 semaines après son départ de Fort-de-France, le voilà donc au Havre. Et puis, du Havre, c'est le train pour Paris. Après 3 heures de trajet, le voilà à Saint-Lazare. Et plus tard, il confiera « Mon premier souvenir à Paris, c'était un seul cri, mon Dieu, que de nègres, que de nègres, que de nègres, parce que la gare Saint-Lazare était possédée par les Antillais. De foule, il n'y avait que nos compatriotes, tous venaient accueillir ceux qui arrivaient par le bateau. La gare vraiment nous appartenait à ce moment-là, c'était incroyable. C'était un point de ralliement extraordinaire et on rencontrait là des gens qu'on n'avait pas vus depuis 20 ans, depuis 30 ans. C'était un lieu de reconnaissance et c'est parfaitement vrai, c'était un événement. À la Martinique, l'arrivée du Balto était un événement. Mais à Paris, pour les Antillais, l'arrivée du train à la gare Saint-Lazare était un autre événement. On était sûr de rencontrer là des quantités de gens de chez nous. Eh bien, c'est à Paris que le jeune homme va s'ouvrir, va prendre conscience, si je puis dire. C'est la naissance de sa conscience intellectuelle et politique qui va se forger à la lueur de tout ce qu'il apprend, de tout ce qu'il voit et de ce qu'il sait. Il est encore timide, Aimé Césaire, et plus que jamais, il est solitaire. En vérité, sans habitude, dans toutes les nuits de nostalgie, en liberté, en négritude, dans le blues profond de la pluie, aimer, aimer, nu comme libre, libre et debout, respirer la terre jusqu'au bout. Même les mains brisées, refuser de désespérer, et puis partir pour être un homme, mais vivre en se tenant la main dans la nuit blanche des oiseaux. Comme libre, libre et debout, respirer la terre jusqu'au bout, écrire même les mains brisées, refuser de désespérer. Un extrait de la chanson Aimer, signé et chanté par Julien Clerc. Restez avec nous, Franck Ferrand vous emmène sur les traces d'Aimé Césaire cet après-midi jusqu'à 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous emmenez au cœur de l'histoire d'Aimé Césaire. Alors, vous nous racontez les premières années de la vie d'Aimé Césaire. À 18 ans, on vient de le vivre avec vous en 1931 il arrive à Paris pour poursuivre ses études après avoir vécu en Martinique. Alors justement, on va faire un petit cours d'histoire là, avec vous. Ça tombe bien ici, finalement. Oui, ça tombe très bien. Quand est-ce que la Martinique est devenue française ? Oh là là, sous Louis XIII, le royaume de France a pris possession de l'île après le débarquement de Belin des Nambucs. C'était en septembre 1635, vous voyez. Il y avait même eu d'ailleurs quelques petites tentatives plus tôt. Les premiers colons agissent pour le compte de la Compagnie des îles d'Amérique. C'était cette toute première compagnie créée par le cardinal de Richelieu. Ils vont fonder le Fort Saint-Pierre, puis le Fort Royal, qui vont devenir les villes de Saint-Pierre et de Fort-de-France. Alors, on cultive l'indigo, le café, la canne à sucre, ce qui demande énormément de main-d'œuvre. Qui dit main-d'œuvre dans les îles, dit esclavage, bien entendu, un esclavage qui se développe. La traite négrière sera bientôt réglementée par le fameux Code Noir, vous savez, en 1685, qui vaut en ce moment des petits soucis à la mémoire de Colbert. Colbert mort d'ailleurs 2 ans avant que ne soit promulgué le fameux code, puisqu'il meurt en 1683. À la même époque, les Indiens Caraïbes, qui sont les maîtres de la Martinique depuis plus de 3 siècles au bas mot, et dont la famille d'Aimé Césaire descend en partie, eux vont s'en aller à ce moment-là. On leur laisse pas le choix, hein, pour tout vous dire. Aimé Césaire intègre l'Hippocagne, donc il est à Paris, hein, il est à Louis-le-Grand, s'il vous plaît. Voilà ce que nous dit David Alliot. Le Paris de ces années 30 est celui d'un bouillonnement intellectuel sans précédent. Tout est toujours sans précédent, mais c'est vrai que là, il y a un bouillonnement particulier. Je le cite. Le cinéma bascule dans le parlant et la couleur. En littérature, de nouveaux mouvements tiennent le haut du pavé. Le surréalisme, par exemple. De nombreuses revues littéraires prolifèrent, explorant de nouveaux concepts, de nouvelles formes d'écriture. Mais si Paris mérite son nom de ville-lumière, la face sombre n'est pas loin. Quand Aimé Césaire s'installe dans la capitale, l'exposition coloniale bat son plein. Pendant ces années folles, pour le meilleur et souvent pour le pire, le nègre est à la mode en métropole. Le tirailleur sénégalais s'affiche un peu partout dans les publicités Banania et devient une figure populaire de l'inconscient national. Joséphine Baker et son exotisme de pacotille triomphent avec sa revue Nègre. Les jazzmen américains trouvent à Paris une terre d'accueil où ils peuvent librement jouer leur musique et les bals nègres de la rue Blomet ne désemplissent pas. Vous voyez, c'est vrai, il y a un engouement incontestable. Il faudrait ajouter à cela le tout nouveau goût pour l'art africain qui est en train d'envahir littéralement les arts plastiques. Bref, Aimé Césaire fait partie de ce bouillonnement incontestablement. Il lit énormément, je vous l'ai dit, surtout de la poésie. Qui sont ses auteurs préférés ? C'est intéressant de le souligner. Lautréamont, Rimbaud et Mallarmé. Autrement dit, des gens qui, tout en connaissant l'intime suc de la langue, sont capables d'en modifier jusqu'au fondement. Et ça va bien sûr jouer un rôle dans la formation littéraire de Césaire. Dès son arrivée au lycée Louis-le-Grand, le jeune Martiniquais fait la rencontre de Léopold Sédar Senghor, qui beaucoup plus tard sera le premier président de la République du Sénégal, vous savez. Senghor a 7 ans de plus que lui et il dit à Césaire « Tu seras mon bisu ». Aimé Césaire va écrire dans une lettre à Senghor, alors là qui date de 1997, il lui dit « Léopold, tu restes pour moi le frère fondamental, celui qui a apporté au jeune déraciné que j'étais quand tu m'as ouvert les bras au lycée Louis-le-Grand en ce jour de septembre 1931 ». La clé de moi-même, je veux dire de lui-même, l'Afrique, les Afriques, notre Afrique avec sa philosophie et son humanisme profond. En juillet 1934, une circulaire est publiée. Elle vise à durcir les conditions d'obtention et de versement des bourses aux étudiants d'outre-mer. L'association des étudiants martiniquais, évidemment, ne va pas se laisser faire. On monte au créneau pour défendre des intérêts. Seulement certains, autour d'Aimé Césaire, trouvent que cette association se montre encore bien trop complaisante envers les autorités, envers les décisions gouvernementales. Et du coup, en quelques jours, il y a une sorte de petit coup d'état à l'intérieur de l'association, si vous voulez, et Aimé Césaire devient le nouveau président. Et avec Léopold Senghor, il va transformer le journal de l'association L'étudiant martiniquais en étudiant noir. Au sein du comité de rédaction se trouve une étudiante martiniquaise qui s'appelle Suzanne Roussy, qui est la future épouse d'Aimé Césaire. Et le journal L'étudiant noir devient un journal beaucoup plus offensif, beaucoup plus revendicatif. Il écrit dans un article, Césaire, « Le nègre qui tue en lui le nègre n'a point foi en soi et c'est par là qu'il se sauve de la folie. Si l'assimilation n'est pas folie, c'est à coup sûr sottise, car vouloir être assimilé, c'est oublier que nul ne peut changer de faune. C'est méconnaître l'altérité qui est loi de nature. » Césaire déclare « Je suis de la race de ceux qu'on opprime ». Voyez quand même cette volonté d'aller loin, de forcer le trait. Il adhère aux jeunesses communistes. Ce qui ne l'empêche pas de continuer ses études. Bien sûr, il finit quand même deuxième au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Et en 38, il va soutenir son mémoire sur le sujet « Le thème du Sud dans la littérature noire américaine des États-Unis ». En août 1939 paraît la première version de Cahier d'un retour au pays natal. Voilà la date qu'il va falloir retenir, si je puis dire. Été 39, Cahier d'un retour au pays natal. La revue qui l'accueille à l'époque, Volonté, est une revue à faible diffusion. L'œuvre avait été commencée 4 ans plus tôt. Et bien plus tard, Aimé Césaire déclara, je le cite, « C'était l'été ». Et l'été est dur à Paris. Quand on voit fondre l'asphalte sur le boulevard, on regrette la Martinique. Il faisait horriblement chaud et nous étions seuls. Il n'y avait plus de Français, il y avait beaucoup d'étrangers. Il y en a un qui est venu vers moi avec qui j'ai très vite sympathisé, c'était Petar Guberina, un Croate. Il était venu à Paris passer sa thèse, on a lu ensemble, on a parlé ensemble. Je lui parlais de la Martinique, il me parlait de la Yougoslavie, il m'a parlé de la Croatie. On n'était pas très riches et on se dépouillait pour acheter des livres, chez Gibert en particulier. Et puis, un beau jour, il dit « Je vais rentrer chez moi, tu es seul à Paris, viens me voir. Ma mère possède une ferme en Dalmatie, à Sibnik. » Et il a tellement insisté que j'ai fini par dire oui. J'ai passé 2 bons mois en plein cœur de la Dalmatie. C'était un pays magnifique, sous certains aspects. Ça me rappelait la Martinique. Ces vacances en Martinique, où il n'était pas retourné depuis 5 ans, à l'été 1936, vont lui inspirer de nouveaux chapitres. Cahier d'un retour au pays natal et fondateur de ce mouvement dont je vous parle depuis le début, ce mouvement de la négritude. Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une taie d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. On comprend qu'Aimé Césaire est aimé l'Autréamont lorsqu'on lit ça. Il est agrégé de lettres à ce moment-là. Il rentre en Martinique en août 39, donc, avec son épouse qui est enceinte de leur deuxième enfant. Ils ont déjà un fils. Ils rentrent tous les quatre, si j'ose dire. Et au même moment, bien sûr, août 39, je n'ai même pas besoin de vous le dire, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire d'Aimé Césaire. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité jusqu'à 15h. Ça se passe sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH, la page Facebook au cœur de l'histoire et Europe 1.fr. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors vous nous emmenez, Franck Ferrand, cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire d'Aimé Césaire. Nous suivons sa vie, sa jeunesse en Martinique, son arrivée à Paris, sa rencontre avec sa femme, Suzanne. Et là, nous sommes en 1939 et c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Oui, exactement, et la Martinique est sous blocus américain. Rappelez-vous les grands films que ça va donner, bien sûr. L'île n'est plus approvisionnée par la France. Elle est sous la coupe de l'amiral Robert, qui est envoyé spécial du gouvernement de Vichy, qui d'ailleurs ne cache pas son pétainisme. Aimé Césaire enseigne, son épouse aussi enseigne d'ailleurs, ils sont tous les deux au lycée Schœlcher de Fort-de-France, et en 41, avec son épouse, son beau-frère, un certain nombre de collègues du lycée, comme le philosophe René Ménil, ils vont fonder une revue qui s'appelle Tropique, revue engagée. À la même époque, débarquent à la Martinique un certain nombre de réfugiés venus de France, venus de métropole, qui vont rester dans l'île quelques semaines après y avoir été internés. Parmi eux figure le poète surréaliste André Breton, accompagné de sa femme et de sa fille. Comme de nombreux réfugiés, il veut rejoindre les États-Unis. Breton se promène dans Fort-de-France et dans une mercerie tenue par la sœur de René Méril, l'un des protagonistes donc de la publication, il tombe sur le premier numéro de cette revue qui vient de paraître. Cette revue Tropique. Il aime le style de Césaire, qui ne l'aimerait pas, me direz-vous. Les deux hommes se rencontrent, ils deviennent très proches. Ils vont se retrouver à la sortie du lycée Schœlcher, ou chez Césaire d'ailleurs, qui va faire du coup découvrir la Martinique à Breton. Il m'a littéralement fasciné, dira Césaire. C'était un homme d'une culture extraordinaire, avec un sens étonnant de la poésie. Il sentait la poésie, il la reniflait comme n'importe quel pollen dans l'air. C'était un détecteur prodigieux, une sorte de tête chercheuse. Bien sûr, il y avait chez lui des partis pris, des exclusions, mais c'était vraiment un grand homme, un poète, un homme qui parlait admirablement de la poésie et qui la sentait admirablement, et de plus un philosophe. La rencontre avec Breton a été pour moi une chose très importante, comme avait été importante pour moi la rencontre avec Senghor 10 ou 15 ans plus tôt. Les deux hommes vont, de fait, vous l'aurez compris, rester proches et Breton rédigera la préface de l'édition bilingue du cahier d'un retour au pays natal. Il rédigera également la préface du recueil « Les armes miraculeuses ». À la Libération, il y a une poignée d'intellectuels communistes qui vont demander à Aimé Césaire d'être le candidat communiste aux élections municipales de Fort-de-France. Et à la surprise générale, c'est lui qui est élu le 27 mai 1945. Sa liste devance de plus de 5000 voix, hein, 5700 voix, la liste de ses adversaires. Et à l'automne de la même année vont se dérouler les élections de la première Assemblée nationale constituante. Évidemment, on est au lendemain de la guerre, hein, c'est la Libération. Alors, il y a de nouveau des membres du Parti communiste éminents qui vont pousser Aimé Césaire, qui se présente et qui est élu au second tour député de la première circonscription martiniquaise. Le 20 décembre 1945, Aimé Césaire prononce son premier discours au Palais Bourbon et le discours en question porte sur la situation critique des Antilles. Je cite un petit extrait. « Si vous voulez que les Antilles et la Martinique se tirent du mauvais pas où les a conduites la vieille politique héritée du pacte colonial, il n'y a qu'un moyen, les équiper. Les équiper pour qu'elles produisent davantage et à meilleur compte et échappent ainsi aux conséquences de la dévaluation. Les équiper pour qu'elles cessent d'être à la charge de la métropole. Les équiper pour résorber le chômage de nos jeunes gens, pour élever le niveau de vie des ouvriers, pour garantir aux masses laborieuses le travail et la sécurité sociale. » Vous voyez qu'on est tout à fait dans les thématiques de la sortie de guerre, bien sûr, hein. Je cite la suite. « Il nous faut des routes, il nous faut des ports, des aérodromes, des égouts. Il nous faut des hôpitaux pour préserver notre race de la dégénérescence. Il nous faut des écoles pour satisfaire la soif d'instruction de nos enfants. Enfin, je vous demande de passer immédiatement aux actes. Les travailleurs de la Martinique et des Antilles attendent depuis 3 siècles. Ils sont à la limite de la souffrance et de la patience. Agissez promptement. Il y va du prestige de la France. » Ou comment un poète se transforme en tribun. Bonjour Luc Laventure. Bonjour, merci, Franck Ferrand. Merci d'être à nos côtés cet après-midi. La conscience politique d'Aimé Césaire, on a vu qu'elle est née très tôt, on pourrait presque dire dans son enfance, mais l'homme politique, lui, il se révèle à partir de ce premier mandat de député, donc on est au sortir de la guerre, et Aimé Césaire fait résonner sous les voûtes du Palais Bourbon une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à Paris. Tout à fait. Mais on peut dire aussi, pardon, que Aimé Césaire est une voix qui porte dès sa naissance. Mm-hmm. C'est important sa naissance parce que quand on parle de la négritude, on l'enferme dans un carcan qui n'est que l'homme noir, qui n'est que l'homme africain, alors que... Or, il n'est pas que ça. Il n'est pas que ça, d'abord. Notamment par sa mère. Et je viens au niveau de sa... Pas seulement au niveau de sa mère. Il y a dans la structuration de ce qu'on appelle la bourgeoisie martiniquaise, parce que Aimé Césaire ne vient pas de n'importe où. Aimé Césaire, son père est l'équivalent d'un inspecteur des impôts. Son grand-père a fait normal sup, ce qui à l'époque déjà rarissime. Il est prof au lycée Schœlcher, c'est-à-dire qu'il appartient à ce qu'on appelle la gentry. Et sa da, l'élément constitutif des bonnes familles, c'est ce qu'on appelle la nounou. Et sa nounou lui racontait des comptines en tamoul. C'était une indienne. Et c'est important, la notion d'indianité dont on ne parle pas du tout quand on parle de Césaire, mais qui structure son esprit. C'est-à-dire que Basse-Pointe, le nord de la Martinique, Basse-Pointe et Macouba, ce sont ces deux communes qui ont récupéré les Indiens qui sont venus relayer la partie de l'esclavage, puisqu'en 1848, fin de l'esclavage, donc les maîtres blancs avaient besoin de bras pour pouvoir continuer à exploiter la canne. Ils ont fait venir ce qu'on appelle les engagés d'Inde et notamment de Pondichéry. Et il y avait une forte communauté d'Indiens à Basse-Pointe et qui existe toujours. Et la nounou d'Aimé Césaire Et chantait, parlait et lui parlait en tamoul. Et c'était vraiment la reine-mère, cette nounou, puisque quand Césaire devient député à Fort-de-France, eh bien, elle est toujours à la mairie de Fort-de-France, elle rentre partout quand elle le veut dans le bureau de Césaire. Et cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Aimé Césaire est adossé à deux vieilles civilisations, d'abord l'Afrique et également et surtout l'indianité, c'est-à-dire une civilisation multimillénaire avec des codes concernant la métaphysique. Ce sont les Indiens qui ont inventé le zéro. Ce qui veut dire que Césaire est d'abord martiniquais, profondément martiniquais. Il est français et on va le voir parce qu'il ne veut pas l'indépendance. Il veut d'abord être département français et c'est un universaliste puisque quand il va en Dalmatie et qu'il écrit cahier du pays natal, et quand il s'appuie sur l'indianité pour parler des souffrances de l'homme, il est vraiment universaliste. Oui, donc on voit la richesse extraordinaire Un homme total. Du substrat et de la culture. Ce n'est pas du tout l'homme d'une seule cause, d'une certaine manière. Alors, ce n'est pas un homme étriqué. Dans un instant, nous allons découvrir un peu l'homme politique, parce que moi j'en ai évidemment très peu parlé, je n'ai parlé que de la jeunesse là. Qu'a-t-il fait politiquement cet homme-là, dans un instant ? Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et tu as changé ma vie, toi le poète, le génie, j'avais 20 ans. Révélation. Aimé César, c'est la chanson d'Éric Virgal en hommage au poète, écrivain et homme politique Aimé César, très connu hein, des Antilles françaises. Éric Virgal, c'est une grande star là-bas. Cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire d'Aimé César. Nous allons plus loin, nous découvrons l'homme, le poète et l'homme politique. Grâce à votre invité Franck, vous recevez Luc Laventure, il est journaliste, réalisateur et président du groupe Média Outre-mer 360. C'est le premier groupe média numérique pour les Outre-mer. Est-ce que c'est une carrière qu'il a préparée ou est-ce que c'est une carrière qu'il l'a saisie quand il avait, il a 31, 32 ans quand il était élu maire de Fort-de-France, Aimé Césaire. Il ne le voulait pas. Il ne voulait pas être maire. Il n'a jamais voulu embrasser une carrière politique. On peut dire que Césaire, c'est quelqu'un qui hume le temps et qui fait dans l'itération. C'est-à-dire qu'il arrive à Paris, il dit la chose suivante, je n'aime pas parler, j'aime pas avoir beaucoup de copains antillais parce qu'ils sont suffisants en général. Ils veulent singer les blancs, ils croient qu'ils portent en eux la culture blanche. Et c'est quand il rencontre Senghor effectivement qu'il est ébloui par cette espèce de figure totémique de l'Afrique. Et effectivement Senghor lui dit bisu. Tu seras mon bisu. Et ça le marque jusqu'à la fin de sa vie quand on se rencontrait quelquefois à Césaire et nous, oui, journalistes. Vous avez rencontré les deux, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Mais les deux sont pétris de deux choses totalement différentes. Je me souviens d'une rencontre entre Césaire et Senghor à la mairie de Fort-de-France dans les années 70. Et Senghor disait la chose suivante à Césaire. Vous êtes la fusion de plusieurs endroits. Et je me souviens de cette citation de Senghor, que je n'ai jamais retrouvée nulle part, qui disait la chose suivante, vous, Antillais, vous êtes prêts à vous enflammer en permanence et vous êtes comme ces braises volcaniques dont vous venez de parler, Franck, de la montagne pelée. Et Césaire lui disait, je vous envie, Senghor, parce que vous êtes adossé à une vieille civilisation, alors que nous n'avons pas justement connu. Il y a un déracinement et un métissage qui n'est pas celui de l'Afrique. Et on peut dire que même sur le plan de la pensée, sur le plan de la pensée philosophique, c'est beaucoup plus facile pour un Senghor de perpétuer la lignée. Tandis que pour Césaire, d'inventer de nouveaux mondes. Et quand Césaire arrive à Paris, Césaire vient de la Martinique, un peu comme François Fanon, qui vient sauver la France quelques années plus tard avec la Deuxième Guerre mondiale. Césaire se retrouve coincé entre des gens qui aiment le noir, parce que c'est à la mode, mais qui déteste le noir, et il est victime de ce racisme, et il se dit, où suis-je ? Dans quel monde je vis en ce moment ? Et il essaie d'inventer des chemins nouveaux. Il va jusqu'à inventer des chemins nouveaux, jusque y compris avec son contact avec le Parti communiste, qui l'a fait roi, certes, mais... Qui est le parti qui a le vent en poupe à la libération. Absolument, mais dont il se détache quand il s'aperçoit que le monde est divisé en deux, le Nord, que ça soit la République française... C'est plus l'Est et l'Ouest, là, c'est le Nord et le Sud. C'est le Nord et le Sud. Et Césaire est avant tout un humaniste, mais un homme du Sud. D'ailleurs, à sa mort, beaucoup de personnes voulaient qu'il soit inhumé, enterré au Panthéon. Et Césaire, ses amis et sa famille ont dit non. Il est accroché à son île, c'est un homme du monde, mais c'est un homme profondément martiniquais. Et qui, en même temps, a toujours mené cette carrière dans les cadres de la République française. Dans le cadre de la République française. Quand en 1946, il fait ce fameux discours, en demandant la départementalisation, il veut... Il nous l'a dit en tant que journaliste, il me l'a dit personnellement en tant que journaliste, il m'a dit, Luc, liberté, oui, égalité, chiche, et c'est ce que je voulais essentiellement. Fraternité, je n'y crois pas tellement, mais je voulais l'égalité, c'est-à-dire les mêmes droits que les républicains français. Donc il était profondément français. Et lorsque il y avait une nouvelle fenêtre qui s'ouvrait avec 1981, l'arrivée de la gauche au pouvoir, il rencontre Mitterrand. Il ne demande pas l'indépendance. Il demande un moratoire à ses amis indépendantistes en disant « on laisse le statut de côté et on va voir comment on peut réclamer quelque chose qui est une autonomie ». On revient à la notion d'article 73-74. Alors justement, là, vous venez d'évoquer toutes ces étapes, c'est-à-dire la départementalisation d'abord, une forme d'autonomie dans un deuxième temps. N'oublions pas qu'avant d'être département français, ces îles étaient des colonies françaises. Hein. Tout à fait. Et tout à fait, Césaire s'est battu. S'est battu contre cela, contre vents et marées, parce qu'effectivement, on était dans une situation, je ne dis pas ubuesque, mais catastrophique sur le plan social, catastrophique sur le plan du droit, catastrophique sur le plan des libertés. Et effectivement, Césaire a fait avancer les choses avec beaucoup d'âpreté. Et avec une forme de détermination qui est celle des hommes qui savent exactement où ils vont. Ils savaient où il allait, ce n'était pas un poète en politique quand même. Ce n'était pas un poète. Et en plus, c'est quelqu'un qui aimait les gens et qui aimait voir les choses évoluer. Césaire était député, mais... Alors, là aussi, c'est quelqu'un de paradoxal. Tous ceux qui ont connu Césaire ici à Paris vous diront, et notamment ses copains, ses amis députés, qu'il passait le plus clair de son temps à la bibliothèque de l'Assemblée. Mais il était sur le terrain, c'était un homme de terrain. Et il a toujours voulu être également maire de Fort-de-France. Et l'aventure, je ne suis pas césériste ni césérien, mais je dois reconnaître qu'il a fait avancer les choses, notamment l'habitat insalubre dans des quartiers comme Terre-Saint-Ville, Trénel, Citron, etc. Et ce n'est pas à partir de son bureau. Il allait sur place, il voyait les canalisations, il a mené des batailles municipales sur le fait de dire l'habitat insalubre, non, il faut que chacun ait sa case, sa vraie case, pour pouvoir prospérer. Je pense que nombre de nos auditeurs connaissent le grand créateur, le poète. Beaucoup sont ceux qui, cet après-midi, grâce à vous, redécouvrent l'homme d'action et l'homme de terrain, en fait. Oui. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Magasin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Aimé Césaire cet après-midi sur Europe 1 avec Luc Laventure, votre invité. Franck, il est journaliste, réalisateur, président du groupe média Outre-mer 360 et vient de nous rejoindre au téléphone Fabrice Dalméda, historien, professeur à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas au sein de l'Institut français de presse. Et ne manquez pas le documentaire inédit Césaire et moi, écrit et réalisé par Isabelle Simeoni, Fabrice Gardel, et un grand débat présenté par Fabrice Dalméda. Ça sera ce mercredi, le 18 avril, en première partie de soirée sur France O, à l'occasion du 10e anniversaire de la disparition d'Aimé Césaire. Bonjour Fabrice. Bonjour Franck, et bonjour à Luc Laventure, qui connaît bien France O aussi. Oui, c'est ce qu'il disait à l'instant même, vous voyez. Alors, heureusement que vous êtes là, si je puis dire, car on ne peut pas dire que ces 10 ans de la mort d'Aimé Césaire soient célébrés avec beaucoup de tambours et de trompettes. Oui, c'est un peu une surprise, je dois avouer, parce que on pensait qu'il y aurait un peu plus de, je vais dire, de regard jeté dessus. On a essayé d'avoir la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, dans l'émission, elle n'a pas voulu venir. Apparemment, le ministère voudrait faire un hommage, mais quelle forme, ça reste encore à définir. Alors, ce que vous allez montrer, je parle du débat, il y a le documentaire. Le documentaire, on peut peut-être en dire un mot, d'ailleurs, tout de suite. Oui, il faut en dire un mot, parce que c'est un documentaire assez original qui Isabelle présente Simeoni et Fabrice Gardel, les réalisateurs. Voilà. Exactement. Ils présentent à la fois la vie d'Aimé Césaire, mais surtout, ils ont eu cette espèce de coup de génie d'aller chercher des fans de Césaire. Et donc, on retrouve plein de personnalités connues du monde médiatique, que ce soit Aïssa Miaga, que ce soit Lilian Thuram, Valérie Manteau, qui est assez drôle, c'est une écrivaine, j'ai toujours du mal à dire ce nom, vous m'excuserez. Moi aussi, pour tout vous dire. Voilà. Mais enfin, voilà, une auteure qui a sur la peau, le tatouage d'Aimé Césaire, parce qu'elle a Césaire dans la peau. C'est donc, c'est, dire, oui. Voilà, et c'est très sympathique parce qu'on voit à quel point il résonne dans des pans de culture tout à fait différents, quoi. Alors, ce que vous allez montrer, c'est la dimension quasi universelle du personnage. Aimé Césaire n'est pas seulement l'homme de la Martinique ou l'homme d'un pan de l'histoire de France. Il est un véritable penseur universel. C'est important de le dire, peut-être. Penseur universel, ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que Luc Laventure disait tout à l'heure. Peut-être qu'on peut y ajouter et qu'on minimise beaucoup en France, c'est l'impact immense de Césaire aux États-Unis. Voilà. En Afrique, ça coule un peu d'évidence parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'auteurs africains qui ont été pour ou contre Césaire. Il faut se souvenir de Wole Soyinka, grand écrivain, prix Nobel de littérature, qui lui se moquait de la négritude en parlant de la tigritude et en disant voilà, un tigre bondit sur sa proie, il définit pas sa tigritude. Mais c'est pour dire qu'il a alimenté un débat énorme. Et dans les universités américaines, Césaire est vraiment un des auteurs enseignés au même titre que les autres auteurs de la French Theory. Mmh. Vous allez recevoir énormément de personnalités, notamment l'académicien Dany Laferrière. C'est un bonheur cet homme, c'est un bonheur. Il a une culture tellement extraordinaire. Vous savez, Dany Laferrière, origine haïtienne. Pays oui, visité sûr, oui. Par Césaire, pays sur lequel Césaire a écrit cette magnifique pièce, hein, La tragédie du roi Christophe, et Dany Laferrière qui lui raconte comment il a rencontré, hein, il raconte ça dans son dernier livre d'ailleurs, comment il a rencontré l'œuvre de Césaire, la négritude. Au départ, il n'y croyait pas trop, puis c'est son père qui lui dit, mais quand même, tu devrais le lire. Et puis maintenant, Dany Laferrière, qui est canadien, qui en a parlé là-bas, qui vit aussi à Paris. Donc voilà, je pense qu'il participe de ce tour du monde césarien et de ce tour du monde de sympathie et d'admiration pour un auteur. Merci beaucoup, Fabrice d'Almeida. À vous entendre, on comprend pourquoi vous avez choisi un d'eux. Oui, oui. Je veux dire juste un mot, parce que c'est Raphaël Confiant qui a été très hostile à Césaire. C'est amusant de voir aujourd'hui ce grand auteur de l'actualité, peut-être a changé de regard et se rapproche de son ancien rival, si l'on peut dire. C'est donc sur France O, c'est ce mercredi en prime, une sorte de grande soirée spéciale Aimé Césaire avec ce documentaire et ce débat que vous animerez. Merci Fabrice d'Almeida. Merci à vous. D'ailleurs, vous viendrez bientôt nous parler de Nelson Mandela, si j'ai bien compris. Avec joie, avec joie. Vous êtes en train de travailler sur le sujet. Merci beaucoup. Amitié à tous et aux auditeurs. Enfin. Ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit, Luc Laventure, c'est quel type de personnalité était Aimé Césaire au quotidien. Vous qui l'avez connu, fréquenté, qui avez eu des conversations avec lui, quel genre d'homme chaleureux ou au contraire distant, décrivez-le nous. Deux choses qui me frappent en tant que journaliste. D'abord, c'est quelqu'un de timide. C'est quelqu'un de timide. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, pas seulement dans son bureau, pas seulement en interview. Je me suis permis deux fois de le rencontrer dans le 13e arrondissement, parce que quand il était député, il avait un pied-à-terre, si je puis dire, un petit appartement dans le 13e arrondissement du côté de la place d'Italie. Il me recevait d'ailleurs dans sa cuisine. Ça crée une intimité. Oui, voilà. Ça crée tout est dit, j'allais dire. Absolument. Et vraiment, il était d'une simplicité et on parlait de tout. Quand je dis de tout, j'avais officiellement rendez-vous avec lui pendant une demi-heure, une heure, on restait quand même plus de deux heures. On parlait de tout, de la famille, du sens, de l'amitié, etc. Mais c'est quelqu'un de profondément déterminé. de profondément déterminé, c'est-à-dire que quand il voulait quelque chose, il allait jusqu'au bout. Et il a tenu tête à des présidents de la République française sur des sujets qui lui tenaient à cœur, notamment la dimension sociale, la dimension sociétale de son pays. Donc c'était quelqu'un d'enjoué, taquin, j'allais dire voire méchant quelquefois sur le plan, c'est iconoclaste ce que je dis, mais je lui pardonne difficilement, par exemple, quelques foucades en période électorale. C'est un ça tueur. Pouvait aller loin. Ça pouvait aller loin. Oui. C'est-à-dire que c'est un homme déterminé. Et puis, encyclopédique. On vient de parler avec Fabrice de sa dimension internationale et notamment sa dimension oui, africaine. Très important. Il ne faut pas oublier qu'en 56, il y a eu en septembre 56, il y a eu à la Sorbonne une conférence réunissant tous les intellectuels noirs, africains, mais surtout américain. Et je pense que ça l'a structuré. Ça l'a marqué, évidemment. Ça l'a structuré. Un mot, parce qu'il ne nous reste vraiment plus de temps, un mot sur son œuvre. Si vous donniez un conseil de lecture à nos auditeurs cet après-midi, il faut revenir sur les cahiers Retour. Oui. Je pense que c'est son œuvre clé, sa première œuvre, son œuvre dans laquelle tout le paradoxe Césaire est écrit. Cahier d'un retour au pays natal. Donc. Merci beaucoup. C'était très agréable d'évoquer Aimé Césaire avec vous, Luc Laventure. Dans un instant, nous partons pour la Martinique. À la limite, j'ai envie de dire, nous n'en sommes jamais sortis. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire d'Aimé Césaire. Il est temps maintenant de suivre ses pas en Martinique directement avec Lorena Martin. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Alors je parlais tout à l'heure de cette maison de Basse-Terre à la Martinique où est né Aimé Césaire mais qui n'existe plus. Il reste malheureusement quasiment rien de sa maison, juste un mur de pierre qui symbolise l'emplacement de sa maison familiale. Mm-hmm. Donc c'est pas là qu'il faut aller pour retrouver l'esprit d'Aimé Césaire. Pas vraiment, même si l'office du tourisme quand même de Basse-Pointe organise mm-hmm. des visites sur les pas de Césaire où l'on découvre les différents lieux où il a vécu, où il s'est rendu à un moment de sa vie, sa naissance, donc dans cette maison, l'école primaire qu'il a fréquentée, et puis le front de mer qu'il aimait. Alors le maire de Fort-de-France a conservé son bureau, son bureau, donc depuis 2013 on peut le visiter mm-hmm. à l'hôtel de ville au premier étage, et c'est devenu un espace muséal et patrimonial, et l'administration municipale a déménagé depuis 1990 dans la nouvelle mairie, mm-hmm. et le bâtiment de l'hôtel de ville est aujourd'hui uniquement consacré au théâtre, et on y trouve le théâtre Aimé Césaire qui a été annexé au bâtiment en 1912. Il s'agit d'un théâtre à l'italienne qui contient 17 fresques qui représentent des personnages. Je précise, en 1912, un an avant la naissance d'Aimé, ne s'appelait pas encore le théâtre Aimé Césaire. Exactement. Et ces fresques représentent des personnages inspirés par les œuvres du poète. Mmh. Donc, on peut dire quand même qu'à Fort-de-France, la mémoire d'Aimé Césaire est très présente. Et alors, justement, il faut aller dans le quartier de Redoute dont on parlait à l'instant, pour voir la maison dans laquelle il vivait, tout simplement. La maison, oui, cette maison appartient à la commune, donc de Fort-de-France, et elle va être restaurée par les fonds du ministère de la Culture, puisque Stéphane Bern, qui, vous le savez, a été nommé par Emmanuel Macron, donc le président de la République, à la tête d'une mission d'identification et de sauvegarde du patrimoine en péril, a retenu dans ses 250 projets cette maison d'Aimé Césaire. Il est vrai que tout doit être restauré, la toiture, les murs, les jardins, la véranda, et le coût de l'ensemble du projet est estimé à environ 1 million d'euros. Et la maison était devenue par donation propriété de l'Institut Aimé Césaire. Et elle va abriter dans quelques mois, après ses travaux, donc la Fondation Aimé Césaire. On pourra la visiter. Ce sera un musée. Et la bibliothèque aussi permettra notamment de travailler sur les œuvres et la personnalité d'Aimé Césaire. Merci beaucoup, Lorena. Nous étions allés à la Guadeloupe ensemble il y a quelques temps. Ça donne très envie d'aller à la Martinique cette fois, en fait. Avec plaisir. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, nous revenons sur les origines d'une expression. Cette expression, c'est trier sur le volet. Alors, on le sait, ça veut dire choisir, sélectionner avec soin, mais ça vient d'où, Franck ? Ah, ça vient de voilet, en fait. Au Moyen-Âge, un volet, c'était un petit voile. Un petit voile, c'est un voilet. Mmh. C'est un tissu qui volait au vent, si vous voulez, et qui, entre autres, servait à fabriquer des tamis. Et les tamis servent à trier les graines, tout simplement. Dans les meilleurs. Donc par assimilation, le volet a fini par désigner la tablette elle-même, qui servait à faire le fameux triage de toutes les menues choses. Cette tablette était parfois également utilisée pour assurer la fermeture de la boîte qui contenait les aliments à trier. C'est-à-dire qu'une fois que vous aviez bien trié, hop, vous fermiez avec ça. Le mot a perduré, bien sûr. Au XVe siècle, le volet désigne l'assiette en bois dans laquelle les femmes trient les pois et les fèves, employé surtout pour des marchandises, des objets, etc. Donc, ça va s'appliquer à partir du XVIe siècle, et par métonymie, vous l'avez bien compris, ça va s'appliquer à des personnes. Rabelais a d'ailleurs écrit dans Pantagruel, c'est 1532, on est sous le règne de François Ier, je cite, « Élu choisi et trié comme beau pois sur le volet ». Ben voilà, tout est dit. Montaigne dira « Cette complexion délicate me rend délicate à la pratique des hommes, il me faut trier sur le volet ». Faisons comme Montaigne, ça peut de temps en temps rendre service. Nous retrouvons demain à 14h, chère Anissa. Pour une émission consacrée aux sœurs Mancini, les maîtresses de Louis XIV. Et puis, Louis XIV, il en sera question également le 2 mai prochain. Louis XIV à la conquête de Lille. Nous vous parlerons de cette date, 1668. Puisqu'on sera à la Citadelle. Exactement. Pour une émission spéciale en direct de la Citadelle de Lille, vous pouvez assister à l'émission, faire partie du public. C'est simple, vous allez sur europe1.fr, rubrique club, et vous venez nombreux. On vous y attend. C'est gratuit. Bien sûr. L'acte, en revanche, ne l'est pas.